Chaque seconde passée à t'attendre m'éloigne de toi un peu plus chaque jour. Je sais le ciel enfin prêt à m'entendre, puisque tu as choisi de bannir notre amour. De toi à moi, il ne sera jamais une voix. Rêve brisé, femme pusillanime, qu'auras-tu fait d'autant de vérité? Autant maudit, mon cœur crie famine, mais dans ton âme, les dés déjà étaient jetés. De toi à moi, il ne sera jamais une fois. Bien trop de nuits passées à me morfondre, le vin était doux à nul autre pareil, puisque ton corps m'est devenu une ombre. Je m'en irai enfourcher les chevaux du soleil. De toi à moi, il ne sera jamais une fois. Ses places à la source de vie. De notre histoire, il ne restera trace que dans l'immense solitude de tes nuits. De toi à moi, il ne sera jamais une fois. Comme tu le vois, je pense à toi pour la dernière fois.